Il est américain, il arrive en France. Il est à l'aéroport. Il passe la police. Passeport. Allez-y, vous pouvez passer. Maintenant, il est à la douane avec deux autres jeunes gens, une jeune fille et un jeune homme. Vous êtes français tous les trois ? Non, mademoiselle et moi, nous sommes américains. Ah, vous parlez anglais ? Bien sûr, puisque nous sommes américains. Et vous êtes américain aussi ? Non, eux, ils sont américains, mais moi, je suis brésilien. Vous n'avez rien à déclarer ? Non. Non. Non. C'est bon, passez. Vous pouvez passer, allez-y, allez-y. Passez. C'est vrai que c'est brésilien ? Oui, bien sûr, papa. Où vas-tu ? À cet anniversaire, à la maison brésilienne. Il y a une maison brésilienne à acheter ? Bien sûr, il y a une maison brésilienne, plutôt bien brésilienne. Une maison suédoise pour les Suédois, une maison danoise pour les Danois, une maison japonaise pour les Japonais, une maison cambodgienne pour les Cambodgiens, une maison canadienne pour les Canadiens, une maison cubaine pour les Cubains. Et une maison américaine pour les Américains ? Évidemment. C'est là que vous allez ? Ouais. Et toi, tu vas à la maison américaine ? Non, moi je ne vais pas à la cité. Je vais au café latin. Vous prenez un taxi ? Non, le bus ou le train. Et toi ? Je prends un taxi. Salut. Il est américain. Il est américain. Il arrive en France. Il arrive, il arrive. En France, il arrive en France. Il est à l'aéroport. L'aéroport. Il est à l'aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport. Il est à l'aéroport. Où est-ce que le jeune homme arrive ? En France. Où est-ce qu'il est ? À l'aéroport. Il passe la police. La police. Il passe la police. Qu'est-ce qu'il passe ? La police. Allez-y, allez-y. Vous pouvez passer. Allez-y, allez-y. Vous pouvez passer. Vous pouvez, vous pouvez. Vous pouvez passer, vous pouvez passer. Maintenant, il est à la douane. La douane, la douane. Maintenant, il est à la douane, il est à la douane. Maintenant, il est à la douane. Maintenant, maintenant. Maintenant, il est à la douane. Où est-ce qu'il va après la police ? À la douane. Il est à la douane avec deux autres jeunes gens. Deux autres jeunes gens. Deux autres jeunes gens. Avec deux autres jeunes gens. Avec qui est-ce qu'il est ? Avec deux autres jeunes gens, une jeune fille et un jeune homme. Vous êtes français tous les trois ? Vous êtes français ? Vous êtes français ? Vous êtes français ? Tous les trois? Tous les trois? Tous les trois? Vous êtes français tous les trois? Vous êtes français tous les trois? Non, mademoiselle et moi, nous sommes américains. Nous sommes américains. Nous sommes américains. Nous sommes américains. Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Bien sûr, puisque nous sommes américains. Bien sûr, bien sûr. Puisque nous sommes américains. Puisque nous sommes américains. Puisque nous sommes américains. Puisque nous sommes américains. Bien sûr, puisque nous sommes américains. Bien sûr, puisque nous sommes américains. Est-ce que les jeunes gens américains parlent anglais? Bien sûr, puisqu'ils sont américains.